texte, je suis alcoolique. Ok. Quand je rentre du bar dans lequel j'ai une nouvelle fois trop bu, ça fait un bail que le soleil s'est couché. Vu que les oiseaux ne chantent plus, je marche. Enfin je titube, maintenant dans ma tête je suis sûr. Une barque en pleine tempête dans le brouillard dans un trip rude. Et je trouve ça triste, mais minable. Mais le Ricard, fils, me pousse à fuir mon présent si fade. Indécent je sais, mes petits schlags ressentent un tas de choses. Rien que le temps de sa descente, c'est hardcore, son cœur saigne. Je suis un addict, car moi l'alcool c'est mon essence. Un gars comme les autres en fait non plus depuis que je n'en dépends. Mais c'est pas grave sous le Jacta, je suis pas fier donc je double la dose. Et pour pas trop cher, vu que je connais les barman et je reste honnête, tu vois ça. L'épée d'Amoclès pendant au-dessus de ma tête, mais je me dis que ce problème passera. Et c'est pas que je trouve ça top, mais à en croire mes potes, je ne côtoie que les endroits où au comptoir la bière coule à flot. Et je roule ma bosse, quand je roule la corde, je trouve ça moche car je trouve ma botte comme un seau. Et moi je m'étonne encore que chaque porte reste close. Mon verre, laisse-moi le savourer. T'es-tu vu quand t'es bourré, assis sur ton tabouret? Moi je t'avouerai que tu t'es gouré. Et j'abuse, je suis perdu, mais vu que ça Netflix, je m'enfile des litres et confuse les canettes, c'est le net plus ultra. Je m'amuse à ma manière, je sature, rejoins Saturne avec ma verte et ma bière, ça pue la gerbe et la merde, la mort et le suicide, les idées noires te suivent vite, déchiré du matin au soir, je ne vis qu'ivre, miskin, je touche le fond et creuse encore, bordel, y'a pas mort d'homme, mais je cogne fort quand je suis défoncé sous Gordon, frère, je suis un de ces types qui noie ses crises, en fume son propre mépris, mes verres, t'explique la vie d'un bête, type à la dérive, une merde attendant la mort, que le poison fasse effet, face à mon sort, je peux plier, reste lié à la boisson, je te présente pas la décadence, j'entame une danse avec ma jack, oui j'ai plongé, mes songes sont centre, le cerveau est plongé, je suis accro, c'est hardcore. Mec, y'a pas de congé quand tu mènes un train de vie de rongé. Yo, présente pas la décadence. J'entame une danse avec ma jack. Oui, j'ai plongé, mes songes sont centre. Le cerveau est plongé, je suis accro, c'est hardcore. Mec, y'a pas de congé quand tu mènes un train de vie de rongé. Yo, yo. Chaque jour, je me dis que je vais me ranger, mais je ne fais que me ronger, finir à gerbe avec un grand G. Ça a commencé bêtement, sonnerie du vendredi, on se prend deux petites bières blanches avec un patch sang. Pensez qu'un jour ça empirerait. J'ai 28 piges, frère, elle traîne la réussite, j'ai pas son ticket, petite merde, je m'y fais. On me l'a dit plus d'une fois depuis que l'ivresse et moi, on se côtoie comme c'est un fidèle et sa future femme. La mienne m'a quitté quand le verre est passé à la bouteille. Ma vie c'est pas Walt Disney, mais je suis street comme un chat de gouttière. Et je parle pas de ghetto, de vente de bélo pour du cash. Moi je suis qu'un char clos qui chante faux pour un vaisseau sous 4. Même les grosses journées restent maigres, la gorge nouée et quelques bières m'aident à oublier le reste. Oublier que le pèse, la mère et les frères manquent. En plus du boulot, j'ai perdu ceux qui m'aimaient vraiment. J'suis pas l'exemple à suivre, plutôt ce type à éviter. Allongé sur les bancs de la ville, esquivant la réalité. C'est ça ma vie, frère, et je l'ai mérité. J'dirais même prémédité, bousillant mon avenir pour oublier le passé. C'est décidé, demain j'arrête. Combien de fois je l'ai dit, combien de fois je me suis promis de stopper la taille, putain. Je porterai cette enclume jusqu'à la fin de ma vie. Plus d'une fois, du haut de mon toit, j'ai eu envie de quitter le navire. Juste un pas, que tout s'arrête, que je m'envole de mon enveloppe charnelle. Et puis qu'on me foute la paix. Je te présente pas la décadence, j'entame une danse avec ma jack. Oui, j'ai plongé, mes songes sont centre. Le cerveau est plongé, je suis accro, c'est hardcore. Mec, y'a pas de congé quand tu mènes un train de vie de rongé. Je te présente pas la décadence, j'entame une danse avec ma jack. Oui, j'ai plongé, mes songes sont centre. Le cerveau est plongé, je suis accro, c'est hardcore. Mec, y'a pas de congé quand tu mènes un train de vie de rongé. Yo, yo. La solution de tous nos problèmes dans la vie. Ouais.